Il était alors 10 heures du soir. La 11e journée du mois de décembre allait s'achever dans une nuit magnifique. La Susquehanna, corvette de 500 chevaux de la Marine nationale des États-Unis, s'occupait d'opérer des sondages dans le Pacifique, à 100 lieues environ de la côte américaine, par le travers de cette presqu'île allongée qui se dessine sur la côte du Nouveau-Mexique. La série de sondages, exécutée par le Susquehanna, avait pour but de reconnaître les fonds les plus favorables à l'établissement d'un câble sous-marin qui devait relier les îles Hawaï à la côte américaine. La Lune, alors dans son dernier quartier, commençait à se montrer au-dessus de l'horizon. À l'apparition de celle-ci, leurs pensées se portèrent vers cet astre que les yeux de tout un hémisphère contemplaient alors. « Ils sont partis depuis 10 jours, » dit alors le lieutenant Bronsfield. « Que sont-ils devenus ?» Mais un des officiers dit « Ce que sont devenus les voyageurs, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, voilà surtout ce qui doit nous intéresser. D'ailleurs, si l'expérience a réussi, ce dont je ne doute pas, on la recommencera. La Columbiade est toujours encastrée dans le sol de la Floride. Ce n'est donc plus qu'une question de boulets et de poudre. Et toutes les fois que la Lune passera au zénith, on pourra lui envoyer une cargaison de visiteurs. « Oh, les amateurs ne manqueront pas, » répliqua Bronsfield. « Et si on le laisse faire, la moitié des habitants de la Terre aura bientôt émigré dans la Lune. » Depuis la tentative de Barbicane, il semblait que rien ne fût impossible aux Américains. À 1 heure du matin, le halage de la sonde n'était pas encore achevé. En ce moment, il était 1h17 du matin. Le lieutenant Bronsfield se disposait à quitter le car et à regagner sa cabine quand son attention fut attirée par un sifflement lointain et tout à fait inattendu. Ses camarades et lui crurent tout d'abord que ce sifflement était produit par une fuite de vapeur. Mais, relevant la tête, ils purent constater que ce bruit se produisait vers les couches les plus reculées de l'air. Et soudain, à leurs yeux éblouis, apparut un bolide énorme, enflammé par la rapidité de sa course, par son frottement sur les couches atmosphériques. Cette masse ignée grandit à leur regard, s'abattit avec le bruit du tonnerre sur le beaupré de la corvette qu'elle brisa au ras de l'étrave et s'abîma dans les flots avec une assourdissante rumeur. Quelques pieds plus près et la Susquehanna sombrait corps et biens. À cet instant, le capitaine Blomsberry se montra demi-vêtu et s'élança sur le gaillard d'avant vers lequel s'étaient précipités ses officiers. « Avec votre permission, messieurs, qu'est-il arrivé » demanda-t-il. Et l'un d'eux, se faisant pour ainsi dire l'écho de tous, s'écria « Commandant, ce sont eux qui reviennent !»